ça te regarde aller dans ton rêve. Ça pense que tout est merveilleux. Ça prend ton cœur, puis ça le soulève. C'est plein d'étoiles au fond des yeux. Semblant de rien comprendre, ça t'entortille en moins de deux. Tu les vois partir, puis tu te fais prendre. Les enfants se changent en images beaucoup plus vite qu'on le croit. Ils sont passagers d'un voyage, et trop tôt ils ne sont plus là. Ça sème des détours sur ton chemin, des îlots verts dans le temps qui passe. Ça vous écrit de l'homme du lendemain, en s'endormant de guerre lasse. Les enfants s'agobent tout ce qui passe. Ça bouffe ta vie comme du gâteau. T'as pas le choix, il faut que tu te dépasses. En oubliant ton mal de dos. Beaucoup plus vite qu'on le croit. Ils sont passagers d'un voyage, et trop tôt ils ne sont plus là. Les enfants, c'est fait pour le jeu. Ça veut rien savoir des consignes. Que ça sera jamais vieux. Ça s'époque la vie, ça crapine. Les enfants, ça vit dans l'instant. Ça fait des projets pour tout de suite. Ça rêve souvent de devenir grand. Plus tard, ça pense à prendre la fuite. Les enfants se changent en image beaucoup plus vite qu'on ne croit. Ils sont passagers d'un voyage, et trop tôt, ils ne sont plus là. Ne sont pas à nous. Ils ne font que croiser nos routes. Ce qu'on leur donne est un peu flou. Ils ne nous laissent que des gouttes. Un jour ils partent chez les loups. Dans des univers qu'on redoute, on reste sans dessus dessous. La tête et le cœur en déroute. Les enfants se changent en image beaucoup plus vite qu'on le croit. Ils sont passagers d'un voyage, et trop tôt ils ne sont plus là. Les enfants glissent dans le train, comme on l'a fait bien avant. Pour nous, il reste des enfants. Mais si c'est bien malgré eux. Un jour ils seront des parents. Leur tour viendra d'être peureux. On leur dira en souriant: fais comme j'ai fait, fais pour le bien. Les enfants se changent en image beaucoup plus vite qu'on ne croit. Ils sont passagers d'un voyage et trop tôt ils ne sont plus là. Les enfants se changent en images beaucoup plus vite qu'on le croit.